الحمد لله حق حمده وأوفاه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقيت بحث قيم للشيخ عثمان الخميس وفقه الله وهداه للسنة فيما يتعلق بعثمان رضي الله عنه. Il a fait un livre sur le Khulafa. En fait, le livre c'est حقبة من التاريخ. Depuis la mort du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à l'assassinat de Hussein en 61. 50 ans يعني من التاريخ. Qui englobe le khilafa des quatre compagnons, plus le khilafa de Hassan, 6 mois, plus le mulk de Muawiyah, jusqu'à Wafat al-Hussein. Concernant Uthman, je vais vous ramener Rir Bikhtisar, Cheikh Jazakallahu Khairan, Jab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 choses qui ont été reprochées à Uthman. 13 choses. Il en a cité 4, Omor Makdouba. 4, ce sont des récits mensongers. 3, ce sont en réalité des mahasin. Ce sont des bonnes choses. Ça a été reproché à lui, mais ce sont des bonnes choses. 5, ce sont des shtihadat de Uthman. Et 1, c'est une faute. C'est bel et bien une faute dans laquelle il est tombé. Je ne vais pas vous lire tout parce que c'est long. Je vais juste vous lire ce qu'on a lu la semaine dernière concernant. Il parle de l'ma'khad al-thani, le fait qu'il aurait. Il aurait expulsé Abu Dharr al-Ghifari de Al-Madina. Il dit Al-Ma'khad al-Thani nafyu Abi Dharr ila al-Rabdha. Al-riwayat allati 'inda al-Tabari wa ghayrihi min riwayat Sayf ibn 'Umar anna Muawiyah waqa'a baynahu wa bayna Abi Dharr kalam fa arsala ila 'Uthman anna Aba Dharr qad afsada an-nasa 'alayna fa qala 'Uthman arsilhu ilay fa arsalahu Muawiyah ila 'Uthman fa annabahu 'Uthman thumma kharaja ila al-Rabdha. Donc il dit ce qu'a cité l'imam al-Tabari, rahimahullah, isnad ou kada. Après, il dit, il y a eu une khosoma, une dispute entre Muawiyah et Abu Dharr. Et Muawiyah est venu se plaindre chez Uthman. Il lui a dit, Uthman, il est venu chez Uthman, il lui a dit, Abu Dharr, afsad an-nasa alayna. Il a corrompu, si on peut dire, les gens contre nous. Il leur a fait des reproches. Uthman, il a dit à Muawiyah, envoie-le, dis-lui qu'il vient me voir. Il vient de me voir. Il est venu le voir et Uthman, il lui a dit de partir à Rabda, donc c'est Manteqa, c'est un endroit. Il lui a dit de sortir et il a remplacé la fonction d'Abu Dharr par quelqu'un d'autre. هذه رواية سيف بن عمر ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا روايتنا الصحيحة التي نقبلها وهنا ما أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة. Il dit on a un autre récit dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. عن زيد بن وهب قال مررت بالربضة فإذا أنا بأبي ذر قلت ما أنزلك هذا المنزل. Donc quelqu'un il est passé, il a vu Abu Dharr à Rabda. Il lui dit qu'est-ce que tu fais là? قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة. Il a dit je suis passé, j'étais au Cham et j'ai divergé avec معاوية à propos des gens qui thésaurisent l'or et l'argent. Le verset qui est dans Tauba. فقال معاوية نزلت فيه الكتاب. معاوية a dit ça se concerne les gens du livre. وقلت أن نزلت فينا وفيهم. إيه أبو ذر الذي سنكونسرن نو كم سنكونسرن أو. وكان بيني وبينهم في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني أن يتكلم في هذه المسائل ويثير الناس. يدي معاوية إلى écrit à Uthman lui disant que se plaignant de moi disant que je provoquais de la discorde là où j'étais. فكتب إلي عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها. Uthman m'a demandé de venir à Médine, je m'y suis rendu. فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسِ حَتَّ كَانَّهُ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانِ. Il dit j'ai vu énormément de monde, comme si les gens ne m'avaient jamais vu. فَقَالَ عُثْمَانِ إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي ذَاكَ الْمَنْزِلِ. Uthman il lui a dit si tu veux, carte-toi yani, de l'endroit où on est et tu restes à proximité de nous. C'est ça qui a fait en sorte que je suis à cet endroit-là, Ar-Rabda. Walaw amaru, walaw amaru alayya habashiyan la sami'tu idan wa ata'at. Il dit même s'ils avaient mis en tant que gouvernant pour moi-même, Abu Dharr il parle, quelqu'un qui vient de l'Éthiopie, j'aurais écouté, j'aurais obéi. Qissaf Sahih al-Bukhari, kitab zakat, bab ma uddiya zakatuhu falaysa bikanz, hadith numéro 1406. Donc il dit fa Uthman ibn Affan lam yatrud Abu Dharr illa Ar-Rabda. En vérité, il l'a pas expulsé. وَلَمْ يُرْسِلْهُ مُعَاوِيَ مُهَانًا مُهَانًا مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Et Muawiyah non plus ne l'a pas expulsé de Sham vers Médine كإهانة comme avilissement. وكل هذا من الكذب عليهم. Tout ça c'est mensonger. Sur Muawiyah, sur Abu Dharr, sur Uthman. هذه قصة أبي ذر عند البخاري. بل قد ورد أنه لما خرج إلى الربذة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ البناء سلعا فخرج منها. Il dit, bien au contraire, j'ai même entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque la construction, au début à Médine, il n'y avait pas beaucoup de construction, quand la construction s'étalera jusqu'à atteindre Sal' c'est un endroit, c'est le nom d'un endroit à Médine, il dit sors d'ici. فهو أمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. Il dit, c'est rapporté même que le prophète صلى الله عليه وسلم, hadith dans la marjima, قال الذهبي فيه إرسال وفيه بريد بن صفيان وهو ضعيف جدا على كل حال هذا نتركه. Donc فهمتم, vous avez compris pourquoi Abu Dharr يعني ils disent que نفاه عثمان غلط, هذا c'est faux. المأخذ concernant الإتمام, كما هو معلوم عثمان كان يصلي تمام في منى, il priait 4 ركعات. Le prophète صلى الله عليه وسلم حجة الوداع il priait 2. Donc il y en a qui ont blâmé Uthman. Ils ont dit pourquoi tu pries 4 alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2. Il dit صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين وصلى أبو بكر في السفر ركعتين وصلى عمر في السفر ركعتين وصلى عثمان صدرا من خلافته في السفر ركعتين ثم تم في السفر. أبو بكر عمر le prophète صلى الله عليه وسلم il priait 2 ركعات en voyage. Et Uthman une partie de sa khilafa elle a duré combien de temps? 12 ans et 6 mois. 12 ans, 12 ans au ziyada. 12 ans تقريبا لأن عمر اللي مر ذو الحجة 23 وهو كذلك ذو الحجة 35 12 سنة c'est عمر qui a 10 mois 10 ans et 6 mois. قال une partie de la خلافة de عثمان il a prié 2 ركعات ensuite il a fait 4. والجواب هو la réponse أولا هذه مسألة فقهية اجتهادية. Il dit déjà ça c'est un sujet de fiqh, c'est un sujet de jurisprudence et c'est un sujet de اجتهاد. On a vu dans Tayseel Al-Alam que جمهور العلماء على أن صلاة تقصير الصلاة dans le safar c'est quoi? Non, c'est sunna. على الجمهور على أنه سنة et que celui qui ne le fait pas لا يلام. C'est mieux de prendre la rukhsa mais celui qui ne le fait pas لا يلام. راجع تيسير الألام كلام شيخ عبد الله رحمه الله. Il dit اجتهد فيها عثمان فأخطأ. Tout simplement عثمان il a fait un اجتهاد, il s'est trompé. فكان ماذا هذا إذا كان قد أخطأ فعلا. Ça veut dire c'est vraiment on pousse le bouchon loin, on go le غلط. Et l'histoire elle s'arrête là. وهل هذا الأمر يبيح دم عثمان؟ Est-ce que même s'il a fait ça, est-ce que les khawarij ou les bourat ils peuvent dire on va tuer Uthman parce qu'il a fait 4 rak'at fi safar? Ça tient pas debout. ومن المعصوم غير ومن المعصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qui c'est qui est protégé de l'erreur si ce n'est le messager. ثم إن في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. خلافا بين أهل العلم. Déjà là il y a divergence entre les ulama. وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة سنة ولا يسمى من لغة من مستحبة. La majorité des savants disent que raccourcir la prière c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. فإذا كان عثمان فعل شيئا فهو أنه ترك المستحب فقط. Si vraiment il a commis une erreur, il a délaissé une surérogatoire, il a délaissé un acte recommandé فقط. وفعل الجائز, il a fait quelque chose de جائز, autorisé. أو ترك الرخصة وفعل العزيمة, ou bien il a laissé l'autorisation, il a fait l'ordre comme il est à la base. أما لماذا أتم عثمان. Maintenant une question qui se pose. عثمان خليفة راشد, troisième خليفة, له من الفضائل ما له, il a des mérites qui sont connus. Comment ça se fait le prophète صلى الله عليه وسلم il fait 2 ركعات, il fait 4. ففيه فقد قيل لأحد أمرين. Les علماء ils ont dit pour une de deux raisons suivantes. الأول لأنه تأهل أي تزوج في مكة فكان يرى أنه في بلده. Il s'est marié à Mecca. Une de ses femmes, elle était à Mecca. Et il se considérait comme étant résident. Il se considérait comme étant habitant de la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu faire Hajjat al-Wada, il habitait où? Médine. Il habitait à Médine. Il a fait Safar, hein, 500 km, تقريباً. Uthman, كان مستوطن في Mecca. Donc il s'est dit, je suis là, je suis dans mon balad. Donc je raccourcis pas. Et هذا اختلف العلماء. Est-ce que Salat تقصير في Mina هل هو للسفر أو هو للمشعر؟ Est-ce que c'est un rite, le rite de comme ça de le Hajj? Même les Mekwa, ils doivent faire 2 rakat ou bien c'est à cause du voyage? Les gens viennent d'Asie, ils viennent d'Europe, ils viennent de Qatar. Vous trouvez ça dans Sharh Zad, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il a parlé de ça en détail. Donc une des paroles de ulama, c'est que Uthman radiyallahu anhu, il a fait 4 rakat à Mina au lieu de faire 2 parce qu'il était résident. الثاني, la deuxième raison, إنه خشي أن يفتن أو أن يفتن الأعراب أن يفتن الأعراب ويرجع إلى بلادهم فيقصرون الصلاة هناك. Donc il dit, deuxième, c'est qu'il a craint que les gens, les bédouins qui viennent et qui, comme c'est connu, les bédouins, c'est des ignorants en général, jahalin, ils savent pas. Vous voyez souvent dans les hadiths le comportement des bédouins, c'est un comportement souvent ahmaq, souvent idiot, ils font des choses à cas qui sont bêtes, ils se comportent mal. Donc il dit, il a craint que les bédouins qui vont venir faire le hajj, ils vont voir Uthman, il fait 2 rakat, ils vont dire salat c'est 2 rakat, pas 4. فَوَيَرْجِعُونَ وَيَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَخْسَرُونَ الصَّلَاةَ هُنَاكَ فَأَتَمَّ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ 4 رَكَعَاتٍ. Ils disent, il a prié complet pour leur montrer comme quoi à la base, الظهر c'est 4, والعصر 4, والعشاء 4, والعلم عند الله تبارك وتعالى. Et il dit, الله أعلم يعني. Ça c'est l'ihtimalat qu'ils ont cité les ulama. Et si vraiment on va loin, on dit que Uthman أخطأ في هذا, il s'est trompé, il a eu tort, il n'aurait pas dû faire ça. وانتهى الموضوع. ولما أتمت عائشة في السفر رضي الله عنها قالوا لعروة ماذا أرادت عائشة قال تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهم أجمعين فالقصد أن عثمان تأول. Donc il dit, Aïcha رضي الله عنها en voyage, elle a fait aussi 4 rakat au lieu de 2. Quand ils ont demandé à Urwa, c'est un, il fait partie des tabi'in, fima adkur, ils lui ont dit pourquoi elle a fait ça, Aïcha, il a dit تأولت, elle a interprété la chose comme Uthman a interprété la chose. Voilà, Bikhtisar, le kalam sur ces deux points qu'on a vus la semaine dernière. Celui qui veut le mazid, yabhat fi kutub al-tarikh, vous allez trouver des choses intéressantes. Concernant, on avait aussi le mot d'eau, est-ce que Uthman, on a dit, min al-ulama man yaqul annahu mat wa huwa sa'im. Il y a des savants qui disent qu'il est mort alors qu'il est en état de jeûne. Or, Cheikh Salah al-Fawzan, la semaine dernière, hafidhahullah, il a dit quoi? Mat fi akhir al-layl. Les Khawarij sont venus, ils ont encerclé sa maison à la fin de la nuit, pendant la fin du mois de Dhul Hijjah. Les gens, ils étaient où? Au Hajj. Beaucoup de gens, ils étaient au Hajj. Il n'y avait pas beaucoup, il y en avait des compagnons à Médine. Au Saint-Nichay, c'était la fin de la nuit, ou bien vers la fin de la nuit. Donc les gens, ils dorment. Donc ils ont choisi un moment opportun pour s'attaquer à lui. Donc, Qadiyat annahu kana sa'im, dans Siyar, Siyar al-Yaman Nubala de l'Hafad l'Imam Shams al-Din al-Zahabi, rahimahullah, il dit: قال أبو معشر السندي قتل لثمانية عشرة خلت من ذي الحجة. يدي عثمان a été tué le 18e jour du mois de Dhul Hijjah, يوم الجمعة, un jour de vendredi. زاد غيره فقال بعد العصر. D'autres ont dit que ils ont rajouté une information qu'il a été assassiné après l'Asr. ودفن في البقيع بين العشاءين وهو ابن 82 سنة وهو الصحيح. Il a été enterré le soir et il avait l'âge de. Il a été enterré fil Baqir, comme c'est connu, dans le cimetière à côté de la mosquée du prophète. Il avait 82 ans et certains ils ont dit qu'il avait 86 ans. Mais l'imam al-Zahabi, rahimahullah, il dit Sahih annahu kan ibn 82 sana. Il avait 82 ans, pas 86 ans. Ala sahih min aqwal ulama. Donc ceux qui disent qu'il est mort sa'im, il est mort ba'd al-asr. Il y a khilaf bain al-ulama. Est-ce qu'il est mort بعد العصر ou il est mort أثناء الليل. Medina, طبعا. Medina, دفنوه في البقيع. Mais نسمع كان صائما. كثير من العلماء يقولوا انه صائم. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, ان الشيخ يقول قتل يعني دخلوا في البيت تاعو ليلا وقتلوه فلا يستقيم انه صائم في الليل. Impossible. وصال وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه قال له ترى عندنا يا عثمان هكذا جميل ان شاء الله نجيبه باذن الله نجيبه عنده فائده نجيبها ان شاء الله نوصل المسير نقطه 110 قال المؤلف رحمه الله عليه الامام وش اسمه ابو ماذا وش اسمه المؤلف ايوه أبو محمد سفاسي لغتنير أبو محمد حسن بن علي كم الحسن بن علي le grand père c'est محمد صلى الله عليه وسلم حسن بن علي بن خلف أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحنبلي متوفى سنة 329 من الهجرة 329 دو ليجير من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى. عندك هوى غريب. ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. Que les fondements de l'innovation ont quatre portes, et de ces quatre portes découlent 72 fenêtres. Et chacune d'elles mène à l'innovation, et chacune d'elles se divise ensuite jusqu'à devenir 2800 égarements. Et tous mènent en enfer, sauf un seul chemin. C'est celui qui croit en ce qui renferme ce livre, Sharh Sunna, et y croit fermement sans hésitation ni doute. Lui est un adepte de la Sunna, et il sera sauvé si Allah le veut. الشرح explication قوله: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب. عود هذه fondement de l'innovation sont de quatre portes. البدع جمع بدعة. البدع c'est le pluriel. بدع جمع بدعة. المراد بها ما أحدث في الدين من غير دليل من الكتاب والسنة. المراد c'est quoi la définition de بدعة؟ C'est quelque chose qui a été rajouté dans la religion et sur lequel il n'y a aucune preuve من الكتاب والسنة، ni du Coran ni de السنة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui introduit dans notre enseignement celui-ci ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à nos enseignements, ce sera rejeté. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث العرباض حديث 28 في الأربعين الأخر هو الحديث 5 في الأربعين دون الإمام النووي. دونك حديث معروف: attachez-vous au cramponnez-vous à ma sunna et celle de mes califes bien guidés après moi, attachez-vous-y et mordez-y à pleines dents. وإياكم ومحدثات الأمور، attention aux nouveautés، toute nouveauté est innovation، toute innovation est égarement. Et dans une autre version, tout égarement est en enfer. فالبدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسنة مما يزعم أصحابه أو أصحابه أنه يقرب إلى الله من العبادات والأقوال والأفعال، وقد تكون البدعة. Donc il dit tout ce qui n'a pas de preuve ni du Coran ni de la Sunna c'est innovation. Ce que prétendent les gens, ce qu'ils ont rajouté dans la religion, comme adoration, comme parole, comme acte, etc. Tout ça, ça rentre dedans l'innovation. Le Cheikh dit que l'innovation, par différentes mutalifa, تنقسم إلى قسمين. قد تكون أصلية وقد تكون بأن تكون محدثة من أصلها لا أصل لها في الدين. La bid'a peut être une bid'a de base, si on peut dire, une bid'a tout entière. C'est-à-dire la chose, elle n'existe pas dans la religion, ni de près ni de loin. C'est ça le bid'a al-asliya. Quelqu'un vient et ramène une adoration quelconque qui n'a aucune racine, aucune base. Il n'y a aucune généralité qui la contient dans le Coran ni dans la Sunna. En comprenant l'idafiyya, vous allez comprendre c'est quoi le bid'a al-asliya. Wa qad takun idafiyya. Idafiyya, la bid'a, comment ils disent, complexe. Annexée. Non, avec la définition, vous allez comprendre. Il dit wa dhalika bi an yakuna aslu al-amal mashru'an, lakin yudafu ilayhi shay'un ghayru mashru'. Il dit la base de l'adoration, elle est légitime. La base de l'adoration, elle est légitime. Exemple, كان يخصص له كان يخصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص أو نوع من الذكر لا دليل عليه أو عددا من الذكر لا دليل عليه أو صياما لا دليل عليه. Quelqu'un par exemple il spécifie الذكر. الذكر c'est مشروع في القرآن والسنة. الله il a parlé de الذاكرين dans nombre de versets. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات dans الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا dans الأحزاب encore في مواطن كثيرة الله في l'éloge de ceux qui font الذكر واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله قياما وقعودا etc. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دونك الذكر اللي مشروع. مي لو بروبليم اللي هو اتى بالذكر خصص له وقت للذكر من غير دليل على التخصيص. الى سبيسيفي الذكر ا مومون بيان بريسي. Il spécifie que le dhikr à un moment bien précis, sans dalil. Par exemple, après salat, on a dhikr. Mukhassas. Il est mukhassas à ce moment-là. 33 fois kada, 33 fois kada, 33 fois kada. Quelqu'un va faire la même chose à un autre moment et il va spécifier ça. On lui dit c'est quoi le dalil ? Il dit il n'y a pas de dalil. Il dit bid'a idhafiyya. Bid'a idhafiyya. Naw'a min al-dhikr la dalil alayh. Ou adadan min al-dhikr la dalil alayh. Comme عند الصوفية. Ils font 1000 fois. 1000 fois, tu répètes telle chose. Un cheikh Abd al-Razzaq il dit. عبد الرزاق بن عبد المحسن يدي جن كون اوكان دليل وهو معروف في الاذكار وفي الاسماء والصفات في كلكان كي كي كي بيرسي دون دومين لا له كتاب فقه الاذكار والادعيه اي برون بوكو دو كلام الحافظ ابن القيم وتوسا الى دي دون ان صوت الى دي جن كون اوكان ذكر كي اتان 1000 يعني كوم كوا في السنه سي فينو سيلوي كي دي 1000 فوا كذا يدي جن كون اوكان ذكر كي رابورتي دو لا سورت دونك باغ اكزومبل كلكان كي فيان سبيسيفي ان نومبر بيان بريسي qui n'a aucune preuve ni dans le kitab ni dans le sunna, c'est une bid'a idhafiyya. Ou siyam la dalil alayh. Siyam, les gens qui jeûnent pendant le mois de Rajab, ils disent celui qui jeûne un jour de Rajab, il a telle et telle récompense. Ou bien les gens qui font une prière, salat al-ragha'ib, au milieu de Sha'ban, là dans deux semaines à peu près, parce qu'il reste un mois avant Ramadan, etc. Tout ça, wahid va dire siyam bid'a. Tu lui dis non, siyam mashrou'. Lakin siyam ou kahada bid'a. Pourquoi? Khassastahu. Tu dis que celui qui jeûne tel jour, il a telle récompense. Celui qui fait zikr 1000 fois, il a telle récompense. Où il a le dalil ? Il n'y a pas de dalil. فهذه بدعة إضافية. D'accord ? فهمتوا ? قال والبدع كلها إضافية وأصلها لا خير فيها. C'est une règle très importante. البدعة, quelle que soit sa sorte, elle est la خير فيها. Elle est mauvaise. Qu'elle soit bid'a de base, quelqu'un qui vient qui ramène une toute nouvelle adoration, c'est bid'a, ou bien quelqu'un qui ramène une base qui est légitime, mais yukhassisuha bidoun takhsis. Fahiya tub'id anillah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration-là, qu'il est en train de faire, qui est une bid'a, elle l'éloigne d'Allah, elle ne le rapproche pas. Qal, wali ashabiha shabahum minan nasara alladhina ahdathu al-rahbaniyya. Et il dit, yani, ceux qui font ça, ils ont une ressemblance avec qui ? Avec Al-Nasara. Pourquoi ? Et voilà, ils font l'ibadat bidouni ilm. Comme on a vu dans le Fatiha. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Al-dallin, les premiers qui rentrent dans ce mot-là, hum al-Nasara. Pourquoi ? Ya'budouna Allah bidouni ilm. Ils font des ibadat. C'est des adorateurs bidouni ilm. Donc ils ont une part de ressemblance avec eux. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Arrahbaniya bid'a ma shara'aha Allah lahum. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Hadid. Le monachisme, ça se dit. Hein? Monachisme. Non. Monachisme qu'ils inventèrent. Nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah. Donc ils ont fait quelque chose qu'Allah il n'aura pas, il n'aura pas légiféré. Ma katabnaha alayhim. Allah il n'aura pas ordonné de faire ça, il n'aura pas prescrit. Ar-rahbaniyya bid'a ma shara'aha Allah lahum, walakinnahum fa'aluha min bab at-taqarrub ila Allah. Ils ont fait ça pour se rapprocher d'Allah. Illa ibtigha'a ridwanillah. Hna kayen soual. Un soual wajih. Sa'alou Cheikh Ibn Uthaymeen. Galou lou entouma tqoulou bianna Mawlid Nabawi bid'a. Ils ont dit pourquoi vous n'avez pas dit que Usbu' Mohamed ibn Abdul Wahhab laisse bi bid'a. Ils ont fait un peu Saoudia, Usbu' Mohamed ibn Abdul Wahhab. Il y a une part de vérité, mais c'est incomplet. Khammu, Eid. Ah oui. مولد نبوي أيوة العيد كل سنة اللي فون شكاني إذن دي هذا الأسبوع أسبوع محمد بن عبد الوهاب للتعريف فقط إذن في أسبوع c'est comme si tu fais un porte ouverte tu présentes des livres tu présentes un professeur et tu fais, si on peut dire, un genre de publicité pour lui. Tu fais une présentation de la personne, c'est qui, etc. Lakin la yukarrar kull sana. Chaque année, le 12 Sha'ban, hatta le 19 Sha'ban, ils diront Usbu' Mohammed ibn Abbas. Ils ont dit non. Il a fait Hadi Wasila, Mashrou'a Hadi. Non, non, c'est pas chaque année. Daruha, pour présenter notamment Jean, malgré que le Cheikh maintenant il est connu. Lakin la bas, ils ont dit ça, c'est pas la yu'tabaru Eidan, wa la yu'taqarrab bihi ilallah. On fait pas ça pour se rapprocher d'Allah en lui-même, avec la chose elle-même. Trouvez ça dans Fatawa al-Aqidat al-Sheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah. Il dit. هو قصدهم أنهم يبتغون رضوان الله ولكن بغير ما شرع الله فلا تقبل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui introduit dans nos enseignements ou dans notre enseignement celui-ci quelque chose qui n'en fait pas partie ce sera rejeté ou قلنا رد أي مردود عليه لا يقبل مردود عليه ce sera rejeté sur la personne لا يقبل non accepté. فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا يؤجر على عمله نسأل الله العافية. Donc il dit la personne elle se fatigue dans le vide, elle se fatigue à faire des adorations et ça c'est que égarement et il y aura absolument aucune récompense derrière, même pire عليه أثم. Il est pécheur puisqu'il a fait une bid'a, c'est une désobéissance à Allah et à son messager. ومراد المصنف هنا بقوله أن أصول البدع أربعة أبواب. Qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur en disant que les bases des innovations sont de quatre? قال الظاهر والله أعلم أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها. Donc il dit الظاهر en apparence والعلم عند الله, c'est que l'auteur il parle des fondements, c'est-à-dire les racines des innovations, les racines des sectes qui se sont égarées sont de quatre. Les sectes à propos desquelles le prophète عليه السلام أبغى لي في قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث on l'a entendu plein de fois, on traduit pas. هذه هي الفرقة الناجية التي بقيت على السنة. Il dit donc c'est celle-là la fraction ou le groupe sauvé, voici le groupe sauvé qui reste sur la sunna. كما قال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui vivra parmi vous il va voir d'énormes divergences, attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم اليهود والنصارى قبلها. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité que la nation elle allait se diviser comme se sont divisées les nations précédentes, telles que les juifs et les chrétiens. Ici, c'est une information, et en même temps, qui est voulue pour une mise en garde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il informe de la division pour mettre en garde. Et le fait que quand cette division-là elle va vraiment avoir lieu, il oriente les gens vers l'attachement à la sunna. Wa annahu la najata biduni sunna. La najat abidun is sunnah. Il n'y a pas de sauvetage sans la sunnah. Comme l'a dit l'imam Malik. Ta'afu qawlat l'imam Malik. Il a dit As-sunnah tu kasafinati nuh. As-sunnah c'est comme l'arche de Noé. Alayhi salam. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Celui qui monte dedans il est sauvé. Celui qui s'est attardé c'est trop tard. Wa man taraka as-sunnah wa sara ma'a al-firaq sara fi an-nar. La jannah ou nar. Il n'y a pas de place entre les deux. Fariqun fi al-jannah wa fariqun fi as-sa'ir. فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا. Donc les fractions qui sont apparues maintenant surtout à notre époque elles sont énormément, elles sont très nombreuses. ولكن أصولها أربع فرق. Mais les têtes de famille si on peut dire ça elles sont de quatre. الفرقة الأولى فرقة الشيعة. الشيعة. قال la première fraction c'est الشيعة. وأول ما حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه. Quand est-ce qu'elle est apparue cette fraction? Lors de la mort, l'assassinat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, حينما جاء عبد الله ibn Saba al-Yahudi, quand عبد الله ibn Saba al-Yahudi est venu, وحدث الفتنة في المسلمين, et il a provoqué la discorde. On a dit qu'il est venu, qu'il a commencé à dire aux gens que Uthman fihi kada, et essayer de rebeller les gens doucement, doucement sur Uthman radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'ils se sont rendus compte et qu'ils l'ont, et il s'est enfui fait Misr, il est parti en Égypte. ودعا الى التشيع لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. Il a appelé les gens à suivre ou à se rattacher à Ali radiyallahu anhu. Wa annahu huwa al-wasi ba'd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit la recommandation du messager elle était sur Ali, pas sur quelqu'un d'autre. Wa anna as-sahaba zalamuh. Et il a dit que les compagnons Abu Bakr, Omar et Uthman, ils ont été injustes envers Ali, ils ont pris sa place. Wa akhadhu al-khilafata minhu. Fa min dhalika al-waqt dhahara at-tashayyu'. À ce moment-là, c'est là que yani at-tashayyu', les gens qui ont commencé à exagérer vers Al-Bayt etc. قد ذكر العلماء ان الشيعه فرق كثيره الشيعه il y a énormément de fractions فتاوى اللجنه الدائمه في المجلد اظن الاول ils ont cité qu'il y a une vingtaine de groupes عند الشيعه comment ça se décompose le premier là oui le tout premier non je veux dire la première secte qui est apparue avant les khawarij ليظهر ان الخوارج avant puisque كما هو معلوم الخوارج ظهروا في اخر العهد النبوي quand ذو الخويصر التميمي عليه من الله ما يستحق الذي يبقى فات صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل هذا في je crois que c'était dans la division quand il a distribué le ghanaim تاع غزوة حنين حنين c'est à la fin تبوك ولا حنين je crois que c'est حنين plutôt la bataille de حنين على كل حال c'est la fin de la vie du prophète عليه السلام que les khawarij sont apparus حتى الشيخ إسماعيل الأنصاري الشيخ جاز الجهني هو الذي قال لي هذا الكلام أنه لم يثبت يدي صابون كرمان دي حديث سور تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فرقة كذا قال لي الشيخ أن الشيخ إسماعيل الأنصاري قال لم يثبت في التحذير من الفرق إلا الأحاديث في الخوارج les seuls hadiths qui sont authentiques sur une mise en garde sur une secte en elle-même avec le nom et les caractéristiques c'est le khawarij لا غيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم je parle des hadiths après كلام القدرية من الصحابة كعبد الله بن عمر et d'autres كاين ايه هو قال لك لم يثبت فيها شيء ها هم اللي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلا بالنار كلا بالنار وي الخوارج نعم الشيخ عبيد يجيب حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم من بعدي يقال لهم الرافضة جيبها كأحاديث لكن الله أعلم ستحتاج إلى بحث ولا واحد من طلبة العلم كي بيرسي يعني دون الأسانيد et qui a ramené les hadiths qui sont apportés sur chaque firqa et qui a fait une recherche poussée. Mais dans la généralité, c'est ça que je peux vous dire. Au départ, quand il citait, il a dit que les deux cas, ça vient du hadith. Ça veut dire sans citer les noms. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 73 groupes. De ces 73 groupes, il y a des têtes de groupes. Il y a des têtes de groupes desquelles ont découlé d'autres fractions. Hein? Les quatre têtes de groupe là qu'il va citer, c'est celles qui sont vraiment, ils sont vraiment de ces fractions là. Le mal il est apparu et après de chaque fraction il y a eu, si on peut dire, des enfants, des sous enfants, etc. Amtoum, vous allez voir, Cheikh Hani va expliquer. Cheikh Min al-Tafsil. Il dit Shi'a firaq kathira. Il y a beaucoup de groupes. Awwal firaq al-Shi'a al-Mufaddila, alladhina yufaddiluna 'aliyan 'ala ghayrihi min as-Sahaba, hatta 'ala Abi Bakr, Umar wa Uthman. Fahmou mlih at-taqsim hada, il est important. Il dit Al-Mufaddila, ceux qui préconisent ou ceux qui font prévaloir. C'est-à-dire qui disent que Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il est meilleur que les autres compagnons, que Abu Bakr, que Omar, que Uthman. Wa ha'ulay yusammawna bil Mufaddila. Cela, c'est ce qu'on appelle ceux qui font prévaloir. C'est-à-dire ils font prévaloir Ali sur les autres. Walakinnahum la yat'anuna fi khilafati Abi Bakr wa Omar wa Uthman. Cela-là, ils disent pas que Abu Bakr, Omar et Uthman ne méritent pas le khilafa, mais ils disent qu'ils sont moins méritoires que Ali. Hatta Cheikh al-Islam à la fin de l'Wasatiyya, il a parlé de ça. Il a dit la yudallal man qal bi anna Ali afdal min Uthman. C'est معروف عند اهل السنه, quelqu'un qui vient qui dit que l'ordre réel c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ali, ensuite Uthman, fil fadl, dans le mérite. Mais on dit pas que Ali il était plus méritoire que Uthman dans le khilafa. Il dit celui qui dit ça يضلل. Donc à la fin de l'Wasatiyya, vous trouvez ça. Mais celui qui dit que Ali il est mieux que Uthman, ta'ifa min ahli sunnah, il y a une partie des gens de la sunna qui ont dit ça. Donc cette parole est respectable malgré que le qawl ar-rajih et la majorité ils disent que Uthman awla wa afdal min Ali. Naam. Al-muhim, il dit "Walakinnahum la yat'anuna fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Uthman." Donc ceux-là là, on va dire ils sont gentils. Ils disent Ali il est mieux, mais ma yat'anush fi Abi Bakr wa Umar wa Uthman. In bien sûr, madame Shia ou Kada, mais on va dire par rapport aux autres, ils sont sympathiques. إنما يقولون إن علي أفضل وهذا خطأ الشيخ دي سيفو leur parole est fausse لا شك mais eux ils disent que Ali est préférable فعلي هو رابع الخلفاء الراشدين ليس أفضل من أبي بكر وعمر حتى إنه صلى الله عليه وسلم أنكر على من يفضله على أبي بكر وحتى إنه رضي الله عنه أنكر على من يفضله على أبي بكر وعمر وهدد من يقول ذلك بالعقوبة donc il dit Ali رضي الله عنه c'est le quatrième des quatre califes il n'est pas meilleur que Abu Bakr il n'est pas meilleur que Omar même lui-même à son époque il a blâmé et menacé de punir ceux qui disent que lui-même que Ali il était mieux que Abu Bakr et Omar هذه الفرقة الأولى première fraction de Shia الفرقة الثانية la deuxième الذين يقولون إن عليا هو وصي الرسول Deuxième, ceux qui disent que Ali, c'est la recommandation du messager. Yani le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé des recommandations. Alaykum bi Ali, etc. Il y a même un charrette qui tourne, t'as wahdi, yahki plein de hadith mawdou'a sur Ali. Vous avez déjà entendu, non? Ami Karkouri, rahimahullah, kan yitlob minni charrette hada. Je ne voyais pas de quoi il parle. Un vieux, le bilard tout fa, l'amdi fat. Ghafar Allahu la. Kan charrette hada, il vous a fait. Comme quoi, Ali, beaucoup de recommandations de Ali, beaucoup de textes dedans. Mordor, حكيت لكم القصة في المسجد قباء. Il y a un chien, من الرافضة دخل المسجد. Il est rentré dans le masjid Quba, في المدينة. Il a trouvé Cheikh Jazil Johani Ibrahim Rahili. Il lui a dit, pourquoi vous êtes méchant avec nous? حنا إخوة. On est des frères. Fraternité. خطبة تاع اليوم. قال له علاش? قال له النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit, أنا مدينة العلم. وعلي بابها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je suis la ville de la science et Ali c'est sa porte. Il y a un petit à côté, il lui dit ya rajoul, هذا حديث موضوع. Il y a un petit, حدا. الرافضي, il lui dit le hadith هذا il n'existe pas. Cheikh, قال له viens, je vais te donner un halwa. N'attaque un bonbon, t'as répondu à notre place, c'est ta raison. Il y a beaucoup de hadiths qui sont mensongers sur. Il y a beaucoup de hadiths qui sont vrais sur Fada'il Ali, mais il y a beaucoup de hadiths qui sont exagérés fait Fada'il Ali. Il y a beaucoup de hadiths qui commencent comme ça. Attachez-vous à Ali, Ali c'est kada, etc. Et c'est des hadiths mensongers. Ali Habr, min Habar al-Umma, c'est un grand savant, etc. Mais il faut voir les textes, il faut les passer un à un pour savoir ce qui est vrai, ce qui est mensonger. A la kulli hal, Abu Bakr, Omar et Uthman, afdal min Ali, à la qawl de kathir min ahl sunnah. Donc il dit, inna aliyan huwa wasi al-rasoul. Concernant Uthman, Abu Bakr et Omar, ijma, il n'y a pas de doute là-dessus. Inna aliyan huwa wasi al-rasoul, wa huwa ahakku bil khilafa. Ils ont dit, Ali est plus méritoire de l'khilafa. Wa khilafatu Abu Bakr wa Omar wa Uthman, vulm wa agtisab. Ils ont dit, la khilafa de Abu Bakr, de Omar et de Uthman, c'est une injustice. Agtisab, c'est quoi? Viol. C'est une violation. Ils ont dit, c'est une violation. Le fait qu'ils ont pris sa khilafa, ils ont pris son califat. Ils n'ont pas laissé Ali sa place de califat, ils l'ont pris. C'est une violation de leur part, des trois compagnons. Yaqulun, inna al-khilafa li Ali wa huwa al-wasi ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna as-sahaba zalamuhu wa ihtasabu al-khilafata minhu ila dalalatin kathiratin 'indahum. Ils disent donc que les compagnons ils ont été injustes envers lui et qu'ils lui ont pris le khilafa. Ils lui ont pas laissé son ayant droit et ils l'ont pris par violation. Et d'autres égarements qu'ils ont, qui sont relativement nombreux. Al-Firqa al-Thalitha, troisième fraction, toujours chez Shia. Qal al-Shi'atul Ghulat, alladhina yaquloun inna al-Risala li Ali, walakin Jibril khana fasarafaha li Muhammad. Ils disent, donc le Ghulat, c'est ceux qui sont dans l'extrême, qui disent que le message était destiné à Ali, mais Jibril alayhi salam a trahi le message, et il l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on ne parle plus de afdaliya fil khilafa. Là on parle de quelque chose de plus grave. On parle de risal, hein. On parle du message. Ils disent que normalement c'est quoi? C'est Ali Rasoul. Puisqu'il dit les Muhammad Rasoul. Là il ne parle plus de khilafa. Vous suivez, hein? Khan fasarafaha li Muhammad wa illa fil risal asluha li Ali. Subhanallah al-Azim. Il dit à la base le messager ça doit être Ali, pas Muhammad. Yaqulun khan al-aminu وصدها عن حيدرة. Ça on avait vu déjà auparavant. خان الأمين, c'est-à-dire le doté de confiance, doué de confiance, il a trahi. Ça colle pas. واحد اللي doué de confiance, on va te dire il a trahi. خان الأمين وصدها عن حيدرة. حيدرة هو علي. radiallahu anhu. Al-Amin Jibril alayhi salam. Ils ont dit, Jibril alayhi salam a trahi le message. Il ne l'a pas donné à Ali. Fasadda al-Risala min Muhammad ila Haydara wa huwa Ali. C'est un prénom, un des prénoms, un des wasfs de Ali radiallahu anhu. Firqa al-Rabi'a, quatrième, achaddu minhum, pire. Yaquluna inna Aliyan ilah. Voilà, là on est passé à Martab al-Ulya al-Uzma. Ils disent que Ali, c'est une divinité. وهم الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار c'est cela que Ali رضي الله عنه a brûlé. Comment il s'appelle cela? Sabaïya. Sabaïya qui disent que Ali رضي الله عنه ilah, c'est une divinité. Et ils disent que Ali رضي الله عنه les a brûlés avec le feu. حفر لهم الاخاديد. C'est quoi l'akhadid? Les fossés. جمعوا اخدود. أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان ابن القيم ضنونية إذ حفر لهم الأخاديد إلى غفة فوسي وأوقد فيها النار أوقد إلى ألومي الفو وطرحهم فيها وهم أحياء إلى زجوتي دون الفو alors qu'ils étaient vivants. يروى عنهم عنه أنه قال علي رضي الله عنه قال إذا لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. Il dit quand j'ai vu que la chose elle est allée vraiment loin, ra'aytu al-amra amra munkara, j'ai allumé le feu, wa da'awtu qambara. Qambar c'est celui qui était khadim lahu, travaillait pour lui. Même Yurwan al-Sabaïya, qu'est-ce qu'ils ont dit quand il a fait ça? Ils ont dit maintenant on est sûr et certain que c'est toi l'ilah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ne châtie par le feu que le seigneur du feu. Madame ta'adzabna bin nar fa anta rabbun nar. Ils sont allés encore dans l'extrême, encore pire. Qambara c'est quoi lui? Qambara huwa khadim, le cheikh يقولها هنا. Khadim c'est ça. C'est moi j'ai allumé le feu, j'ai appelé Qambara bah j'ai aouni. Il chaal le nar. Quand il a dit ça, c'est un ordre kauni. C'est non. Qadari, quand il a dit ne brûle par le feu que le seigneur du feu. Yani je sais que cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi dit insan quand il veut مثلا tuer même une bête, mais اختلهاش بال نار. حتى تكلم الشيخ على oui, oui, Shara'i. Non. Ils ont dit, madame, toi tu nous as brûlé avec le feu. Et on nous a informé qu'il n'y a que le seigneur du feu qui brûle avec le feu. Qui est censé. Voilà, qui est censé brûler avec le feu. Madame, tu l'as mis en application, fin ta rabbun nar. Ibn Abbas, naha, il lui a dit ne brûle pas avec le feu. Il n'a pas écouté. Il les a brûlés en fait, il les a connus. Bien sûr, oui. Quand tu parles sur le problème là, il dit que c'est impossible que Ali ait dit ça. Il a dit كما الشيخ قال الشيخ عبد الكريم الخضير نوم مات الاسناد احنا نمشيو بالاسناد نعم قنبر هو خادمه سي سون سيرفون فحرقهم بالنار لما قالوا له انت هو يعني سي توا سي توا وكان ابن عباس فوالا الشيخ يقول وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى انه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار ابن عباس نهاه الذين لا يبغون با افيك لو فو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايوه يجيب كلش لا يعذب بالنار الا رب النار فكان لا يمانع في قتلهم ولكن يقول ارى ان يقتلوا بالسيف بدل النار يعني ابن عباس يبغي با دو كونتراديكسيون ا ليز اكسترمينيه كما نقولوا حنايا مي با دو سيت مانيير ونشات من هذه الفرق الشيعيه فرق كثيره تشعبت منهم هذه الاولى الشيعة. نعم رواه البخاري في صحيح رواه البخاري في صحيحه رقم كذا عن عكرمة قال أوتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وأما الحديث بلفظ لا يعذب بالنار إلا رب النار فرواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه. واضح. On comprend que il n'était pas présent. من؟ il a appris que après qu'il les a brûlés. أنا الذي أعلمه أنه نهى إلى بلام علي. هذا مثلا quand tu dis si c'était moi je ferais كذا. هذا لا يدل على أنك لا تنهى. Tu vois, c'est comme si احنا نحكي ولا حاجة ونقول لك أنا à ta place je ferais كذا. Pour te faire comprendre que la position تاعي c'est pas la même que la tienne. نعم بلغ فبلغ ذلك ابن عباس فقال نعم قد يكون قبل الله أعلم. أنا اللي نعرف بابور إن شاء الله في الصحيح لكن نعرف أنه نهى إلا بلامي شخصا إلا كمان فيه. حتى القحطاني عنده أبيات في هذا يقول واحفظ لي بديها إن شاء الله سيساغو بيها. فرقة ثانية فرقة القدرية فرقة القدرية دوزيام فراكسيون كمل مع الشيعة اون غزوم المفضلة لا دوزيام سي كوا مفضلة سو كي ديسك علي أفضل من أبي بكر وعمر الفرقة الثانية سو كي ديسك علي ظلم اغتصبوا الخلافة منه الفرقة الثالثة من قال بأن علي رسول وجبريل خان الرسالة أعطاها لمحمد والفرقة الرابعة من يدعي أنه إله معبود نعم أقرب الفرق العلماء يقولون كو سي الزيدية الفرقة الموان غاف وتخبر غير ديتاي دون فتاوى اللجنة أو بيان فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي يبارل دو الزيدية كي تي توشي ان بو بار سا الشوكاني الصنعاني اي سون بروش دو اهل السنة مي يا دي بوان هكا ويزون Ils ont des mouilloules là qui sont pas justes. Zaydiya c'est le premier alors. Non, Zaydiya ils sont pas là-dedans. Ouais, Cheikh Dkar Rous dans le Firqa Shia. Firqa Shia. C'est le premier quoi. Oui. Donc il dit le Firqa Thania, Firqa Al-Qadariya. Al-Qadariya, les dînes Al-Kirun Al-Qadar. Al-Qadariya, faut pas croire que c'est ceux qui affirment trop le Qadar, c'est ceux qui le nient. Ils disent Al-Amr Unuf. Les choses elles se passent comme elles se passent, il n'y a pas de Qadar, il n'y a pas de destin. وقد ظهرت في أواخر عصر الصحابة وهم قسمان. سيظهر على فان دو ليبوك دي كومبانيون كي سون دو كاتيجوري الاول قدرية جبرية غلاة في اثبات القدر. لا بروميير سي سو كي اون اكزاجيري دون اثبات القدر فقالوا الانسان كالريشة في مهب الريح. تخوي سا دون صروح الواسطية العلماء يسيت سيت فراز الجبرية دي كو لا بيرسون الي كوم اون في Et le vent, il la balade là où elle veut. Tu vas au milieu de la route et une voiture, elle te fauche. Tu n'avais pas ta propre volonté. C'est comme si une volonté au-dessus de toi, une force divine ou la qui fait goulou humain, elle t'a transporté au milieu de la route et tu as été touché. C'est pas toi. Hamtou. Non. Jabriya, c'est pas l'extrême, l'opposé en fait. Oui, c'est le contraire. Non. C'est deux sectes ou. Qadariya, Jabriya. Ceux qui disent justement par rapport au destin que tu es forcé, dans tes actes tu es forcé, tu n'as pas de choix. Et la deuxième, c'est le Qadariyat Nufat. C'est ceux qu'au contraire qui renient le destin. Qadariyat Nufat, yanfoun al-Qadar. Ils rejettent le destin. Wa humul mu'tazila wa man sara fi rikabihim. Donc il y a le mu'tazila et ceux qui sont sur la même longueur. Alladina yaquluna inna al-abda yakhluqu fi'la nafsihi. Ils disent la créature, c'est elle qui crée son propre acte. وأن الله لم يخلق أفعال العباد. إيه الله n'a pas créé. الله n'a pas créé. les actes des créatures. وإنما هم خلقوها. mais c'est eux-mêmes qui ont créé leurs propres actes. بينما خصومهم الجبرية يقولون فعل العبد هو فعل الله. alors que الجبرية, donc on a dit ceux qui exagèrent في القدر, ils disent l'acte de la personne c'est l'acte d'Allah. L'acte quand tu es allé au milieu de la route pour te faire faucher, c'est l'acte d'Allah. C'est Allah qui t'a forcé à aller au milieu de la route. Wal ibad عندكم بالضم مجبرون. مجبرون. لا يستقيم مجبرون. مجبرون. نعم. بالضم. نعم. بالسيف قال لك ضمه. والعباد مجبرون على ما يقولون ويفعلون ليس لهم اختيار. يعني ce que tu fais, ce que tu dis, tu n'as pas de choix. Retenez ça tout simplement. Jabriya, il dit que tu es majbour, tu n'as pas de choix, tu es majbour, tu es forcé, tu n'as pas de choix, tu ne choisis pas de faire ça ou ça, tu es forcé à faire ce que tu fais. Et les Mu'tazila disent لهم اختيار مستقل. Mu'tazila disent que tu as un choix indépendant. C'est-à-dire le destin d'Allah ne vient pas, ne rentre pas en compte. Al-Jabriya disent que tu es forcé dans ce que tu es en train de faire. Si tu veux, c'est totalement le destin qui te dirige. Et Mu'tazila, donc ils sont min al-Qadariya, qui disent le contraire. La personne elle a un choix total. La volonté d'Allah ne rentre pas là-dedans. فلذلك إذا أطلق القدرية انصرف إلى المعتزلة ومن قال بنفي القدر. C'est pour ça que quand on dit le qadariya, sans détailler النفات أو الغلاة في الإثبات, on pense tout de suite à المعتزلة. Pourquoi ça que المعتزلة? Parce que المعتزلة dit ça. Mais pourquoi c'est le nom? Ce que tu as dit, المعتزلة, ça vient d'autre chose. Quel mot? Ça vient quoi de المعتزلة? المعتزلة. اعتزال اعتزال واش معناه الاعتزال اعتزال النساء في المحيط ها سمات خليكار علاش سموها معتزله انا في بيزور فوا سي كارت ديستان بارتي دو الحلقه ديال الحسن البصري باسكو الحسن البصري كان يقرر المرتكب الكبيره اي بارلي دو مرتكب الكبيره الحسن البصري من كبار التابعين اي بارلي دو لوتور دو غران بيشي فحضر عنده شخص جوستمون كي فوندي سيت فراكسيون لا اي سابيل الواصل ابن عطاء كان جالس وسمع الحسن البصري دي كو مرتكب الكبيرة كيلي تحت مشيئة الله اللي سو لا فولونتي الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له فابتعد وانكر على الحسن البصري إلى بلامي إلي يدي لا هو في منزلة بين المنزلتين لوتور دان غران بيشي إلي با مؤمن إلي با كافر إلي دان زان أندروا أنتر لي دو إي سي مور كوم سا إي سرا أن أنفير إترنالمون إي أنسويت إي سي إلواني دو الحلقة دو الحسن إي لاسيستي بلو أو كور دو الحسن أو لوسون دو الحسن. C'est pour ça qu'ils les ont nommés Mu'tazila, c'est éloigné. Dans ce domaine-là, qui est le destin, ils ont la même conviction que le Qadariya. C'est pour ça que le Mu'tazila, Qadariya fait bab al-Qadr. Ça veut dire que, yanfoun al-Qadr, ils te disent ce que tu fais, il n'y a pas la volonté d'Allah qui rentre en compte. Contrairement à al-Jabriya qui disent que, si tu veux, il n'y a que la volonté d'Allah qui rentre en compte. Alors que al-Sunna disent les deux. Tu as une volonté, Allah il a une volonté, et ta volonté à toi, elle est soumise à la volonté d'Allah. Il dit, فَهُمْ يَنْفُونَ الْقَدْرِ وَالْجِبْرِيَّ يُثْبِتُونَ الْقَدْرِ وَيَغْلُونَ فِيهِ. C'est toujours deux extrêmes, Ahl al-Sunnah, ils sont au milieu. Al-Qadariya, ils rejettent le destin. Ils disent, Allah, il n'a rien à voir là-dedans, il n'a pas de choix, il n'a pas d'ikhtiyar, il n'a pas d'irada, il n'a pas de volonté là-dedans. Et Al-Jabriya, ils sont à l'autre extrême gauche. Ils disent, tu es forcé. Tu as fait tel péché, tu es forcé. Al-Ulama, qui est Cheikh Saad al-Shatri, Sharh al-Wasatiya, ce qu'il a mal mis'ala hadi, je vous avais envoyé le maqta sauté, ceux qui ont écouté. Il a dit, si tu vas à un Jabri et tu lui mets une grosse claque, بعد ذي الشيخ فحمر وجهه يعني صار فيزاج دبيان تو روج ويشوف معك يقول لك بوكو تا في سا تقول له مجبور سي با موا سي با موا شبي فيني يقول لك ما يقبلهاش il accepte pas donc comment هو va l'accepter sur les autres il va dire c'est مجبور et quand tu lui fais ça ou تقول له avec ta conviction c'est ta conviction qui m'a dit de faire ça mais يقبلهاش فهمتوا toujours les savants ils prennent des exemples comme ça pour la montrer que votre conviction elle tient pas debout. فلذلك إذا أطلق وين والمعتزلة يقولون لهم اختيار مستقل فلذلك إذا لا أطلق أطلق quand on dit يعني القدرية مثلا العلماء يقول لك فرقة القدرية يتبادر الذهن إلى المعتزلة لأنهم ينفون القدر فهمت أطلق أكيد. On a vu plusieurs endroits des fautes taba. Voilà. Il dit le Jabriya yuthbitun al-qadr wa yaghluna fihi. Jabriya ils insistent, ils affirment le qadr, le destin en exagérant. Hatta yaqulu in al-'abda mujbar. Tel point qu'ils disent que la créature elle est mujbar, elle est forcée, elle n'a pas de choix. Non. وأولئك يغلون في إثباته مجبر فهؤلاء ينفون القدر وأولئك يغلون في إثباته وكلهم يطلق عليهم القدرية وقد تشعبوا إلى فرق كثيرة. يدون لزبل قدرية قدرية الغلات والقدرية النفات نقل القدرية النفات سي القدرية القدرية الغلات سي الجبرية واضح الشمسي الخوارج نروح الخوارج Je ne sais pas si on va pouvoir terminer le fasl. Les quatre, c'était à l'époque. Les Shia, c'est à l'époque de Ali déjà, les quatre. Oui. C'est deux, c'est après. Le Khawarij, là, c'est avant. Le Khawarij, Jabriya, c'est à l'époque de Sahaba, à la fin de l'époque de. Ça, c'est le Mu'tazila. Non. Lakin fi bab al-Qadr, dans le domaine de l'Qadr, ils sont comme le Qadariya. Donc, quand on dit le Mu'tazila, maintenant, dans le domaine de l'Qadr, c'est des Qadariya. Mais c'est à quelle époque ça? Le Mu'tazila. Le Qadariya, c'est à la fin de l'époque des compagnons. Tu vois, les années 60 à peu près. Il y avait, mais les quatre khulafa par exemple, ils étaient déjà morts. Ils n'ont pas connu cette époque-là. Donc, on est là. يوم جمعة يوم إجابة الدعاء قبل المغرب ونسغط لها إن شاء الله نوصله للأسبوع الجاي يا ربي حسنا ها؟ كيف؟ يا ربي حسنا أمين يفافي بكو ها؟ يباج يا عبد الله ليمي يفتح لي ما عليش سيسي مفيد سيبا غرف إذا نمشي بهم شوي واضح واحد عنده حاجة يبغى يزوتي حاجة Qu'est-ce avec le divan des compagnons, ils ont connu trois sectes. Qadariya, Shia et Al-Khawarij. Non, Akhtar. Là, là, Akhtar. De leur vivant. Oui. Allez, je vais faire quelque chose. وعرف لعلي أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزيد في قدره ولا كيسكي دي القحطاني نافيلي با علي اي نو نيرف با اوتشي سون دوغري فعليه توصل النار طائفتان il y a deux groupes qui vont aller en enfer à cause de علي رضي enfin à cause de leurs agissements envers علي احداهما لا ترتضيه خليفه وتنصه الاخرى اله ثاني il y en a une ils disent que علي c'est pas un khalifa hein c'est qui خوارج ils ont combattu علي ils ont dit c'est pas un khalifa وتنصه الاخرى اله ثاني الفرقه الرابعه اللي ذكرها الشيخ في الشيعه ceux qui disent que l'autre علي رضي الله عنه اله il y en a qui ont exagéré à droite il y en a qui ont exagéré à gauche ou le وسط هو الصواب à la fin du chapitre sur les compagnons قحطاني رحمه الله عنده ابيات sur علي رضي الله عنه parce que علي من آل البيت Ali ibn Ali al-Bayt, il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Alors que les autres compagnons, ils rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'ascendance, mais en ba'd. Aqrabuhum Uthman, et les autres, Allah alayhi wa sallam, Umar et Abu Bakr, ils les rencontrent au même endroit. À la même personne, taqriban. Voilà, Hassan al-Hussein. Bid'at al-Mawlid, quand ils ont fait le Bid'at al-Mawlid, ça s'est apparu au Misr, les Fatimiyyin. Ils ont fait 6 anniversaires, ils ont mis en place. Ils ont mis l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'anniversaire de Ali, l'anniversaire de Fatima, l'anniversaire de Hassan, l'anniversaire de Hussein. De Al-Bayt. Sixième, le Hakim, le gouvernant, il y a mis la couronne. Le Maqrizi, car Hada Sheikh Abdel Abbad dans Sharh al-Arba'in Nawawiya, il a ramené Kalam Hada dans le kitab, l'auteur s'appelle Maqrizi. Il a dit que c'est apparu à cette époque-là et que ça a été instauré de cette manière-là. Al-Bayt, ceux qui exagèrent envers Al-Bayt, ils ont fait ça à Ali à cause de ça. Nakhifu inda hadha al-had hadha wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in.